Ésaïe chapitre 47. Descends, assieds-toi sur la poussière, vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, il n'y a plus de trône pour la fille des Chaldéens, car tu ne te feras plus appeler la délicate et la voluptueuse. Mets la main au meule, et fais moudre la farine, délie tes tresses, déchausse-toi, découvre tes jambes, passe les fleuves. Ta honte sera découverte, et ton opprobre sera vu, je prendrai vengeance, je n'irai point contre toi en homme. Quant à notre Rédempteur, son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi sans dire mot, et entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car tu ne te feras plus appeler, la Dame des royaumes. J'ai été embrasé de colère contre mon peuple, j'ai profané mon héritage, c'est pourquoi je les ai livrés entre tes mains, mais tu n'as point usé de miséricorde envers eux, tu as grièvement appesanti ton joug sur le vieillard. Et tu as dit, je serai dame à toujours, tellement que tu n'as point mis ces choses-là dans ton cœur, tu ne t'es point souvenu de ce qui en arriverait. Maintenant donc, écoute ceci, toi, voluptueuse, qui habite en assurance, qui dit en ton cœur, c'est moi, et il n'y en a point d'autre que moi, je ne deviendrai point veuve, et je ne saurai point ce que c'est que d'être privé d'enfant. Sais que ces deux choses t'arriveront en un moment, en un même jour, la privation d'enfant, et le veuvage, elles sont venues sur toi dans tout leur entier, pour le grand nombre de tes sortilèges, et pour la grande abondance de tes enchantements. Et tu t'es confié en ta malice, et as dit, il n'y a personne qui me voit. Ta sagesse et ta science est celle qui t'a fait égarer, tellement que tu as dit en ton cœur, c'est moi, et il n'y en a point d'autre que moi. C'est pourquoi le mal viendra sur toi, et tu ne sauras point quand il sera prêt d'arriver, et le malheur qui tombera sur toi sera tel, que tu ne le pourras point détourner, et la ruine éclatante, laquelle tu ne sauras point, viendra subitement sur toi. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements, et avec le grand nombre de tes sortilèges, après lesquels tu as travaillé dès ta jeunesse, peut-être que tu en pourras avoir quelque profit, peut-être que tu en seras renforcé. Tu t'es lassé à force de demander des conseils. Que les spectateurs des cieux qui contemplent les étoiles, et qui font leurs prédictions selon les lunes, comparaissent maintenant, et qu'ils te délivrent des choses qui viendront sur toi. Voici, ils sont devenus comme de la paille, le feu les a brûlés, ils ne délivreront point leur âme de la puissance de la flamme, il n'y a point de charbon pour se chauffer, et il n'y a point de lueur de feu pour s'asseoir vis-à-vis. Tels te sont devenus ceux après lesquels tu as travaillé, et avec lesquels tu as trafiqué dès ta jeunesse, chacun s'en est fui en son quartier comme un vagabond, il n'y a personne qui te délivre.